J'ai vu tes yeux de braise au pied d'une meule de foin. Tu revenais des fraises et moi de l'herbe au lapin. Je t'ai dit il fait chaud, tu me répondis pour sûr. Tu m'en avais dit trop, ça m'a fait une morsure. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai pas offert de fleurs. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Mais je t'ai montré mon cœur. Tu l'as pris dans tes petites mains légères comme un petit papillon de bruyère. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as pris sans chercher. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as vite déniché. C'est vrai que toi tu savais bien que mon cœur je l'avais sur la main. Mais comme je suis frivole, j'ai un cœur d'artichaut. Sous la brise il s'envole, je sais que ce n'est pas beau. Les feuilles une à une, en les voyant tomber, pour comble d'infortune, tu me les as piétinées. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Que mon cœur est en deuil. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? J'ai pleuré sur mes feuilles. Je n'y peux rien, j'ai l'âme trop généreuse et un cœur pour les familles nombreuses. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? C'était clair comme du verre. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Fallait voir à travers, t'es sourde. Mais toi, tu m'as tout piétiné. Tu m'en as fait du verre pilé. Toute ma raison s'égare, j'enfante la douleur. Quelle sensation bizarre quand on n'a plus de cœur. Ça me fait un grand vide et de mes deux beaux seins, je n'ai plus qu'un simple acide et une marque à sein. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? C'est l'histoire de mon cœur. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Qui finit dans le malheur. Notre amour est une barque en détresse. Va falloir lancer le SOS. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Il fallait que ça arrive. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Je vais à la dérive. Adieu, la vie et l'aventure. Oui, mais heureusement que fluctuate n'est que mergiture aussi. Qu'est-ce que tu dis? Toi, si jamais tu me redis qu'est-ce que tu dis, je vais finir par te le dire, tu vas voir.